Mémoire d'outre-tombe de François-René de Chateaubriand. Introduction par Edmond Biret. Enregistré par Christiane Jehanne. 1. En 1834, la rédaction des Mémoires d'outre-tombe était fort avancée. Toute la partie qui va de la naissance de l'auteur, en 1768, à son retour de l'émigration en 1800, était terminée, ainsi que le récit de son ambassade de Rome, 1828-1829, de la Révolution de 1830, de son voyage à Prague et de ses visites au roi Charles X et à Madame la Dauphine, à Mademoiselle et au duc de Bordeaux. La conclusion était écrite. Tout cet ensemble ne formait pas moins de 7 volumes complets. Si le champ était loin encore d'être épuisé, la récolte était pourtant assez riche pour que le glorieux moissonneur, déposant sa faucille, pût songer un instant à s'asseoir sur le sillon, à lier sa gerbe et à nouer sa couronne. Avant de se remettre à l'œuvre, de retracer sa vie sous l'Empire et sous la Restauration jusqu'en 1828, et de réunir ainsi, en remplissant l'intervalle encore vide, les deux ailes de son monument, Chateaubriand éprouva le besoin de communiquer ses mémoires à quelques amis, de recueillir leurs impressions, de prendre leurs avis. Peut-être songeait-il à se donner par là un avant-goût du succès réservé, il le croyait du moins à celui de ses livres qu'il avait le plus travaillé et qui était depuis 25 ans l'objet de ses prédilections. Madame Récamier eut mission de réunir à l'abbaye au bois le petit nombre des invités jugés dignes d'être admis à ses premières lectures. Situé au premier étage, le salon où l'on pénétrait, après avoir monté le grand escalier et traversé deux petites chambres très sombres, était éclairé par deux fenêtres donnant sur le jardin. La lumière, ménagée par de doubles rideaux, laissait cette pièce dans une demi-obscurité mystérieuse et douce. La première impression avait quelque chose de religieux, en rapport avec le lieu même et avec ses hôtes. Salon étrange, en effet, entre le monastère et le monde, et qui tenait de l'un et de l'autre, d'où l'on ne sortait pas sans avoir éprouvé une émotion profonde, et sans avoir eu pendant quelques instants, fugitifs et inoubliables, une claire vision de ces deux choses idéales, le génie et la beauté. Le tableau de Gérard, Corinne, au Cap Misaine, occupait toute la paroi du fond, et lorsqu'un rayon de soleil à travers les rideaux bleus éclairait soudain la toile et la faisait vivre, on pouvait croire que Corinne ou Madame de Staël elle-même allait ouvrir ses lèvres éloquentes et prendre part à la conversation, que l'admirable improvisatrice fût descendue de son cadre et elle eût retrouvé autour d'elle, dans ce salon ami, les meubles familiers, le paravent Louis XV, la causeuse de damas bleu ciel à col de cygne doré, les fauteuils à tête de sphinx et, sur les consoles, ces bustes du temps de l'Empire. À défaut de Madame de Staël, la causerie ne laissait pas d'être animée, grave ou piquante, éloquente parfois, tandis que le bon Ballanche, avec une innocence digne de l'âge d'or, essayait d'aiguiser le calembour, en père, toujours en verve, prodiguait sans compter les aperçus, les saillies, les traits ingénieux et vifs. Les heures s'écoulaient rapides, et certes, nul ne se fut avisé de les compter, alors même que, sur le marbre de la cheminée, la pendule absente n'eût pas été remplacée par un vase de fleurs, par une branche toujours verte de fraxinelle ou de chêne. C'est dans ce salon qu'eut lieu, au mois de février 1834, la lecture des mémoires. L'assemblée, composée d'une douzaine de personnes seulement, renfermait des représentants de l'ancienne France et de la France nouvelle, des membres de la presse et du clergé, des critiques et des poètes, le prince de Montmorency, le duc de La Rochefoucauld-Oudoville, le duc de Noailles, Ballanche, Sainte-Beuve, Edgar Quinet, l'abbé Gerbet, M. Dubois, ancien directeur du Globe, un journaliste de province, Léonce de Lavergne, Gigi, Ampère, Charles le Normand, Madame Amable Tastu et Madame A. Dupin. On arrivait à 2 heures de l'après-midi, Chateaubriand portant à la main un paquet enveloppé dans un mouchoir de soie. Ce paquet, c'était le manuscrit, des mémoires. Il le remettait à l'un de ses jeunes amis, Ampère ou le Normand, chargé de lire pour lui, et il s'asseyait à sa place accoutumée, au côté gauche de la cheminée, en face de la maîtresse de la maison, La lecture se prolongeait bien avant dans la soirée. Elle dura plusieurs jours. On pense bien que les initiés gardèrent assez mal un secret dont ils étaient fiers et ne se firent pas faute de répandre la bonne nouvelle. Jules Janin, qui n'était point des après-midi de l'abbaye au bois, mais qui possédait des intelligences dans la place, sut faire causer deux ou trois des heureux élus. Comme il avait une mémoire excellente et une facilité de plume merveilleuse, en quelques heures, il improvisa un long article qui est un véritable tour de force et que la Revue de Paris s'empressa d'insérer. Sainte-Beuve, Edgar Quinet, Léonce de Lavergne, qui avaient assisté aux lectures, Désiré Nisard et Alfred Nettement, à qui Chateaubriand avait littéralement ouvert ses portefeuilles et qui avait pu, dans son petit cabinet de la rue d'Enfer, assis à sa table de travail, parcourir tout à leur aise son manuscrit, parlèrent à leur tour des mémoires en pleine connaissance de cause et avec une admiration raisonnée. Les journaux se mirent de la partie, sollicitèrent et reproduisirent des fragments, et tous sans distinction d'opinion, des débats au National de 1834, de la Revue européenne à la Revue des Deux Mondes, du Courrier français à la Gazette de France, de la Tribune à la Quotidienne, se réunirent pour la première fois peut-être dans le sentiment d'une commune admiration. Tel était à cette date le prestige qui entourait le nom de Chateaubriand. Si profond était le respect qu'inspirait son génie, sa gloire dominait de si haut toutes les renommées de son temps que la seule annonce d'un livre signé de lui et d'un livre qui ne devait paraître que bien des années plus tard avait pris les proportions d'un événement politique et littéraire. J'ai sous les yeux un volume devenu aujourd'hui très rare, publié par l'éditeur Lefebvre sous ce titre « Lecture des mémoires de M. de Chateaubriand » ou « Recueil d'articles publiés sur ses mémoires avec des fragments originaux ». Il porte à chaque page le témoignage d'une admiration sans réserve, dont l'unanimité relevait encore l'éclat et dont l'histoire des lettres au XIXe siècle ne nous offre pas un autre exemple. 2. Les heures, pourtant, les années s'écoulaient. Dans son ermitage de la rue d'Enfer, à deux pas de l'infirmerie de Marie-Thérèse, fondée par les soins de Madame de Chateaubriand et qui donnait asile à de vieux prêtres et à de pauvres femmes, l'auteur du Génie du christianisme vieillissait, pauvre et malade, non sans se dire parfois, avec un sourire mélancolique, lorsque ses regards parcouraient les gazons et les massifs d'arbustes de l'infirmerie, qu'il était sur le chemin de l'hôpital. La devise de son vieil écusson était « Je sème l'or ». Pair de France, ministre des Affaires étrangères, ambassadeur du roi de France à Berlin, à Londres et à Rome, il avait semé l'or. Il avait mangé consciencieusement ce que le roi lui avait donné. Il ne lui en était pas resté dessous. Le jour où, dans son exil de Prague, au fond d'un vieux château emprunté au souverain de Bohême, Charles X lui avait dit « Vous savez, mon cher Chateaubriand, que je garde toujours à votre disposition votre traitement de père. » Il s'était incliné et avait répondu « Non, sire, je ne puis accepter parce que vous avez des serviteurs plus malheureux que moi. » Sa maison de la rue d'Enfer n'était pas payée. Il avait d'autres dettes encore et leur poids chaque année devenait plus lourd. Il ne dépendait que de lui cependant de devenir riche. Qu'il voulût bien céder la propriété de ses mémoires, en autoriser la publication immédiate, il allait pouvoir toucher aussitôt des sommes considérables. Pour brillantes qu'elles fussent, les offres qu'il reçut des éditeurs de ses œuvres ne purent fléchir sa résolution. Il restera pauvre, mais ses mémoires ne paraîtront pas dans des conditions autres que celles qu'il a rêvées pour eux. Aucune considération de fortune ou de succès ne le pourra décider à livrer au public avant l'heure ses pages testamentaires. On le verra plutôt quand le besoin sera trop pressant, s'atteler à d'ingrates besognes. Vieux et cassé par l'âge, il traduira pour un libraire le Paradis perdu, comme au jour de sa jeunesse, à Londres, il faisait pour l'imprimeur Baylis des traductions du latin et de l'anglais. Cependant, ses amis personnels et plusieurs de ses amis politiques, émus de sa situation, se préoccupaient d'y porter remède. On était en 1836. C'était le temps où les sociétés par action commençaient à faire parler d'elles, et avant de prendre leur vol dans toutes les directions, essayaient leurs ailes naissantes. À cette époque déjà lointaine, et qui fut l'âge d'or, j'allais dire l'âge d'innocence de l'industrialisme, il n'était pas rare de voir les capitaux se grouper autour d'une idée philanthropique, de même que l'on s'associait pour exploiter les mines de Saint-Bérin ou les bitumes du Maroc, on s'associait aussi pour élever des orphelins ou pour distribuer des soupes économiques. Puisqu'on mettait tout en action, même la morale, pourquoi n'y mettrait-on pas la gloire et le génie ? Les amis du grand écrivain décidèrent de faire appel à ses admirateurs et de former une société qui, devenant propriétaire de ses mémoires, assurerait à tout le moins le repos de sa vieillesse. Peut-être n'y aurait-il pas d'autre dividende que celui-là, mais ils estimaient qu'il se trouverait bien quelques actionnaires pour s'en contenter. Leur espoir ne fut pas déçu. En quelques semaines, le chiffre des souscripteurs s'élevait à 146, et au mois de juin 1836, la société était définitivement constituée. Sur la liste des membres, je relève les noms suivants. Le duc d'Écart, le vicomte de Saint-Priest, Amédée Jauge, le baron Hyde de Neuville, M. Bertin, M. Mandalou Vertami, le vicomte Beugnot, le duc de Lévis-Ventadour, Édouard Ménéchet, le marquis de La Roche-Jacquelin, M. de Caradeuc, le vicomte d'Armaillé, H. L. Delois. Ce dernier, ancien officier de la garde royale, devenu libraire, sut trouver une combinaison satisfaisante pour les intérêts de l'illustre écrivain, en même temps que respectueuse de ses intentions. La société fournissait à Chateaubriand les sommes dont il avait besoin dans le moment et qui s'élevaient à 250 000 francs. Elle lui garantissait de plus une rente viagère de 12 000 francs réversible sur la tête de sa femme. De son côté, Chateaubriand faisait abandon à la société de la propriété des mémoires d'outre-tombe et de toutes les œuvres nouvelles qu'il pourrait composer. Mais en ce qui concernait les mémoires, il était formellement stipulé que la publication ne pourrait en avoir lieu du vivant de l'auteur. En 1844, quelques-uns des premiers souscripteurs étant morts, un certain nombre d'actions ayant changé de main, la société écouta la proposition du directeur de la presse, M. Émile de Girardin. Il offrait de verser immédiatement une somme de 80 000 francs si on voulait lui céder le droit, à la mort de Chateaubriand et avant la mise en vente du livre, de faire paraître les mémoires d'outre-tombe dans le feuilleton de son journal. Le marché fut conclu. Chateaubriand, dès qu'il en fut instruit, ne cacha point son indignation. « Je suis maître de mes cendres, dit-il, et je ne permettrai jamais qu'on les jette au vent. » Il fit insérer dans les journaux la déclaration suivante. « Fatigué de bruits qui ne me peuvent atteindre, mais qui m'importunent, il m'est utile de répéter que je suis resté tel que j'étais lorsque, le 25 mars de l'année 1836, j'ai signé le contrat pour la vente de mes ouvrages avec M. Delois, officier de l'ancienne garde royale. Rien depuis n'a été changé, ni sera changé, avec mon approbation, aux clauses de ce contrat. Si par hasard d'autres arrangements avaient été faits, je l'ignore. Je n'ai jamais eu qu'une idée, c'est que tous mes ouvrages posthumes parussent en entier, et non par livraison détachée, soit dans un journal, soit ailleurs. Chateaubriand. Sa répugnance à l'égard d'un pareil mode de publication était si vive que par deux fois, dans deux codicilles, il protesta avec énergie contre l'arrangement intervenu entre le directeur de la presse et la société des mémoires. Il ne s'en tint pas là. Dans la crainte que sa signature donnée au bas du reçu de la rente viagère ne fût considérée comme une approbation, il refusa d'en toucher les arrérages. 6 mois s'étaient écoulés et sa résolution paraissait inébranlable. Très effrayée d'une résistance qui allait la réduire à un complet dénuement, elle, son mari et ses pauvres, Madame de Chateaubriand s'efforça de la vaincre. Mais ses instances même menaçaient de demeurer sans résultat lorsque M. Mandarou Vertami, depuis longtemps, le conseil du grand écrivain, parvint à dénouer la situation en rédigeant pour lui une quittance dont les termes réservaient son opposition. 3. Le 4 juillet 1848, au lendemain des journées de juin, Chateaubriand rendit son âme à Dieu, ayant à son chevet son neveu, Louis de Chateaubriand, son directeur, l'abbé de Guéry, sa sœur de charité et Madame Récamier. Madame de Chateaubriand était morte le 9 février 1847. Madame Récamier mourut le 11 mai 1849. Il habitait alors au numéro 112 de la rue du Bac. Le cercueil déposé dans un caveau de l'église des missions étrangères y reçut les premiers honneurs funèbres et fut conduit à Saint-Malo où le 19 juillet eurent lieu les funérailles. C'est là que repose le grand poète, sur le rocher du Grand B, à quelques pas de son berceau, dans la tombe depuis longtemps préparée par ses soins, sous le ciel, en face de la mer, à l'ombre de la croix. Si cela n'eût dépendu que de M. Émile de Girardin, la publication des mémoires eût commencé dès le lendemain des obsèques. Malheureusement pour le directeur de la presse, il était obligé de compter avec les formalités judiciaires et les délais légaux. Ce fut donc seulement le 27 septembre 1848 qu'il put faire paraître en tête de son journal les alinéas suivants. Le 14 octobre, la presse commencera la publication des mémoires d'outre-tombe. Il n'a pas dépendu de la presse de commencer plus tôt cette publication. Il y avait, pour la levée des scellés, des délais et des formalités qu'on abrège ni ne lève au gré de son impatience. Enfin, les scellés ont été levés samedi. C'est en publiant ces mémoires, si impatiemment attendus, que la presse répondra à tous les journaux qui, dans un intérêt de rivalité, répandent depuis 3 mois, disons depuis 4 ans, que les mémoires d'outre-tombe ne seront pas publiées dans nos colonnes. Les mémoires forment 10 volumes. Le droit de première publication de ces volumes a été acheté et payé par la presse 96 000 francs. Après la note commerciale, la note lyrique. Il s'agissait de présenter au lecteur Chateaubriand et son œuvre. La presse comptait alors parmi ses rédacteurs un écrivain qui se serait acquitté à merveille de ce soin. C'était Théophile Gautier. Mais Émile de Girardin n'y regardait pas de si près. Il choisit pour servir d'introducteur au chantre des martyrs M. Charles Moncelet. Moncelet, à cette date, n'avait guère à son actif que 2 joyeuses pochades, Lucrèce ou La femme sauvage, parodie de la tragédie de Ponsard, et Les 3 gendarmes, parodie des 3 mousquetaires de Dumas. Ce n'était peut-être pas là une préparation suffisante, et Chateaubriand était pour cet homme d'esprit un bien gros morceau. Il se trouva cependant, Moncelet étant de ceux qu'on ne prend pas facilement sans verre, que son dithyrambe était assez galamment tourné. La presse le publia dans ses numéros des 17, 18, 19 et 20 octobre, et le 21 paraissait le premier feuilleton des mémoires. Il était accompagné d'un entrefilet d'Émile de Girardin, lequel faisait sonner bien haut, une fois de plus, les écus qu'il avait dû verser. Les mémoires d'outre-tombe ont été achetés par la presse en 1844 au prix de 96 000 francs, prix qui aurait pu s'élever jusqu'à 120 000 francs. Elle avait pris l'engagement de les publier. Cet engagement, elle l'a tenu, sans vouloir accepter les brillantes propositions de rachat qui lui ont été faites. Cette publication aura lieu sans préjudice de l'accomplissement des traités conclus par la presse avec M. Alexandre Dumas pour les mémoires d'un médecin, avec M. Félicien Malfille, aujourd'hui ambassadeur à Lisbonne, pour les mémoires de Don Juan, avec M. Jules Sandeau et Théophile Gautier. Les choses, en effet, ne se passèrent point autrement. La presse avait intérêt à faire durer le plus longtemps possible la publication d'une œuvre qui lui valait beaucoup d'abonnés nouveaux. Elle la suspendait quelquefois durant des mois entiers. Les intervalles étaient remplis tantôt par les mémoires d'un médecin, tantôt par des feuilletons de Théophile Gautier ou d'Eugène Pelletan. D'autres fois, c'était simplement l'abondance des matières, la longueur des débats législatifs qui obligeait le journal à laisser en souffrance le feuilleton de Chateaubriand. La presse mit ainsi près de 2 ans à publier les mémoires d'outre-tombe. Il avait fallu moins de temps à son directeur pour passer des opinions les plus conservatrices et les plus réactionnaires au républicanisme le plus ardent, au socialisme le plus effréné. Paraître ainsi haché, déchiqueté, être lu sans suite, avec des interruptions perpétuelles, servir de lendemain et en quelque sorte d'intermède aux diverses parties des mémoires d'un médecin qui était pour les lecteurs ordinaires de la presse la pièce principale et le morceau de choix, c'était là, il faut en convenir, des conditions de publicité déplorables pour un livre comme celui de Chateaubriand. Et ce n'était pas tout. Pendant les 2 années que dura la publication des mémoires d'outre-tombe, Du 21 octobre 1848 au 3 juillet 1850, ils eurent à soutenir une concurrence bien autrement redoutable que celle du roman d'Alexandre Dumas, la concurrence des événements politiques. Tandis qu'au rez-de-chaussée de la presse se déroulait la vie du grand écrivain, le haut du journal retentissait du bruit des émeutes et du fracas des discours. En vain tant de belles pages, tant de poétiques et harmonieux récits sollicitaient l'attention du lecteur, elle allait avant tout aux événements du jour. Et quels événements ! Des émeutes et des batailles, la mêlée furieuse des partis, les luttes ardentes de la tribune, l'élection du 10 décembre, le procès des accusés du 15 mai, la guerre de Hongrie et l'expédition de Rome, la chute de la Constituante, les élections de la législative, l'insurrection du 13 juin 1849, les débats de la liberté d'enseignement, la loi du 31 mai 1850. Chateaubriand avait écrit dans l'avant-propos de son livre « On m'a pressé de faire paraître de mon vivant quelques morceaux de mes mémoires. Je préfère parler du fond de mon cercueil. Ma narration sera alors accompagnée de ces voix qui ont quelque chose de sacré parce qu'elles sortent du sépulcre. » Hélas, sa narration était accompagnée de la voix et du hurlement des factions. Le chant du poète se perdit au milieu des rumeurs de la Révolution, comme le cri des Alcyons se perd au milieu du tumulte des vagues déchaînées. 4. On pouvait espérer du moins qu'après cette malencontreuse publication dans le feuilleton de la presse, les mémoires, paraissant en volume, trouveraient meilleure fortune auprès de vrais lecteurs, de ceux qui, même en temps de révolution, restent fidèles au culte des lettres. Mais ici encore le grand poète eut toutes les chances contre lui. Son livre fut publié en 12 volumes in octavo, à 7,50 francs le volume, soit pour l'ouvrage entier 90 francs. Quelques millionnaires, et aussi quelques fidèles de Chateaubriand, se risquèrent pourtant à faire la dépense. Mais les millionnaires trouvèrent qu'il y avait trop de pages blanches. Quant aux fidèles, ils ne se laissèrent pas d'éprouver eux aussi une vive déception. Divisés, découpés en une infinité de petits chapitres, comme si le feuilleton continuait encore son œuvre, les mémoires n'avaient rien de cette belle ordonnance, de cette symétrie savante qui caractérise les autres ouvrages de Chateaubriand. Le décousu, le défaut de suite, l'absence de plan, déconcertait le lecteur, le disposait mal à goûter tant de belles pages où se révélait avec un éclat plus vif que jamais le génie de l'écrivain. L'édition, à 90 francs, ne fit donc pas regagner aux mémoires le terrain que leur avait fait perdre tout d'abord la publication en feuilleton. Elle eut d'ailleurs contre elle la critique presque tout entière. Vivant, Chateaubriand avait pour lui tous les critiques, petits et grands. À deux ou trois exceptions près, que j'indiquerai tout à l'heure, ils se prononcèrent tous, grands et petits, contre l'empereur enterré. Est-il besoin de dire que la prétendue infériorité des mémoires d'outre-tombe n'était pour rien, ou pour bien peu de choses, dans cette levée générale de boucliers, laquelle tenait à toute autre cause. En 1850, les fautes de la République, les sottises et les crimes des républicains, avaient remis en faveur les hommes de la monarchie de Juillet. Nombreux et puissants à l'Assemblée législative, ils disposaient de quelques-uns des journaux les plus en crédit. Ils usèrent de leurs avantages, ce qui, après tout, était de bonne guerre, en faisant expier à Chateaubriand les attaques qui ne leur avaient pas ménagées dans son livre. Paraissant au lendemain du 24 février, en 1848, ces attaques revêtaient un caractère fâcheux. Leur auteur faisait figure d'un homme sans courage, courant sus à des vaincus, poursuivant de ses invectives passionnées des ennemis par terre. M. Thiers, surtout, avait été traité par l'illustre écrivain avec une justice qui allait jusqu'à l'extrême rigueur. Dans ce passage, par exemple, « Devenu président du Conseil et ministre des Affaires étrangères, M. Thiers s'extasie aux finesses diplomatiques de l'école Talleyrand. Il s'expose à se faire prendre pour un turlupin à la suite, faute d'aplomb, de gravité et de silence. » On peut faire fi du sérieux et des grandeurs de l'âme, mais il ne faut pas le dire avant d'avoir amené le monde subjugué à s'asseoir aux orgies de grands veaux. Un peu plus loin, le ministre du 1er mars était représenté dans une autre et non moins étrange posture, perché sur la monarchie contrefaite de Juillet comme un singe sur le dos d'un chameau. Ces choses-là se paient. Les bonapartistes n'étaient pas non plus pour être satisfaits des mémoires. Si l'auteur avait célébré en termes magnifiques le génie et la gloire de Napoléon, il n'en était pas moins resté dans son dernier livre, Le Chateaubriand de 1804 et de 1814, l'homme qui avait jeté sa démission à la face du meurtrier du duc d'Enghien, et qui, 10 ans plus tard, avait, dans un pamphlet immortel et d'une voix bien autrement autorisée que celle du Sénat, proclamé la déchéance de l'empereur. Les républicains, à leur tour, firent campagne avec les bonapartistes. Chateaubriand avait été l'ami d'Armand Carrel. Il avait même été seul pendant plusieurs années à prendre soin de sa sépulture et à entretenir des fleurs sur sa tombe. Mais en 1850, il y avait beau temps que Carrel était oublié des gens de son parti. En revanche, il n'était pas gens à mettre en oubli tant de pages des mémoires où les géants de 93 étaient ramenés à leurs vraies proportions, où leurs noms et leurs crimes étaient marqués d'un stigmate indélébile. Sainte-Beuve attacha le grelot. Il était de ceux qui flairent le vent et qui le suivent. N'avait-il pas, d'ailleurs, à se venger des adulations qu'il avait si longtemps prodiguées au grand écrivain? Le moment était venu pour lui de brûler ce qu'il avait adoré. Le 18 mai 1850, alors que les mémoires n'avaient pas encore fini de paraître, il publia dans le Constitutionnel un premier article, suivi le 27 mai et le 30 septembre de 2 autres, tout rempli, comme le premier, de dextérité, de finesse, et à côté de malice piquante, de sous-entendus perfides. Après le maître, vinrent les critiques à la suite, de toute plume et de toute opinion. Ce fut une exécution en règle. Contre ces attaques venues de tant de côtés différents, les écrivains royalistes protesteront-ils? Prendront-ils la défense des mémoires et de leur auteur? Ils le firent sans doute, mais timidement et à contre-cœur. Eux-mêmes avaient bien quelques griefs contre le livre. Les uns, disciples de M. de Villèle, avaient peine à oublier la part que Chateaubriand avait prise à la chute du grand ministre de la Restauration. Les autres ne lui pardonnaient pas ses sévérités à l'endroit de M. de Blacas et de la petite cour de Prague. Vivement attaqués, les mémoires furent donc mollement défendues. Seul Charles Lenormand, dans le Correspondant, et Armand de Pontmartin, dans l'Opinion politique, soutinrent avec vaillance l'effort des adversaires. S'il ne leur fut pas donné de vaincre, ils sauvèrent du moins l'honneur du drapeau. Quand un combat s'émeut entre 2 essaims d'abeilles, il suffit pour le faire cesser de leur jeter quelques grains de poussière. Cette grande mêlée, provoquée par la publication des mémoires d'outre-tombe, et à laquelle prirent part les abeilles et les frelons de la critique, a pris fin, elle aussi, il y a longtemps. Il a suffi pour le faire tomber d'un peu de ce sable que nous jettent en passant les années. « Immotus animorum atque oec certamina tanta » Pulveris exigui jactu compressa quiescunt. Les mémoires d'outre-tombe se sont relevés de la condamnation portée contre eux. Il n'est pas un véritable ami des lettres qui ne les tienne aujourd'hui pour une œuvre digne de Chateaubriand, pour l'un des plus beaux modèles de la prose française. Beaucoup cependant se refusent encore à y voir un des chefs-d'œuvre de notre littérature, et ne taisent pas le regret qu'ils éprouvent à constater dans un livre où, à chaque page, se rencontrent des merveilles de style, l'absence de ces qualités de composition que rien ne remplace et que des beautés de détails si brillantes et si nombreuses soient-elles ne sauraient suppléer. Ce regret, ceux-là ne l'éprouveront pas, je crois pouvoir le dire, qui liront les mémoires dans la présente édition.